الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous abordons aujourd'hui notre quatrième devoir vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devoir correspondant au fait que nous devions obligatoirement secourir la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le respecter et le vénérer. J'attire d'ailleurs l'attention vers le fait que le terme vénération n'est pas forcément synonyme d'adoration. Et qu'en l'occurrence, ici, la vénération dont nous parlons n'est pas empreinte d'adoration. L'adoration étant le droit exclusif d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Certaines formes de vénération peuvent correspondre à des formes d'adoration, mais cela n'est pas absolu. Et les formes de vénération liées au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont en aucun cas des adorations qui lui sont vouées, comme nous allons nous en rendre compte si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet. Parmi les plus grands devoirs que les membres de cette communauté se doivent d'observer vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le fait de soutenir sa cause, de la secourir, de respecter ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le vénérer et d'empêcher tout préjudice de l'atteindre sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla wa ala a dit: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. Afin que vous apportiez foi en Allah, que vous le secouriez et le vénériez. Traduction approchée du sens du verset 9 de la sourate Al-Fath. Allah jalla wa ala a également dit: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui ont donc apporté foi en lui, l'ont secouru, défendu sa cause et suivi la lumière qui fut descendue à sa compagnie, ceux-là sont ceux qui réussissent. Cela nous mène à aborder plusieurs points. Premièrement, le sens qui est voulu par le terme « ta'zir » que nous retrouvons ici dans ces versets. Terme que nous avons traduit par le fait de porter secours à la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que plusieurs paroles ont été rapportées des gens de savoir à propos de ce terme-là. Et que le cheikh de l'islam a dit que c'est un terme à la portée générale, incluant le fait de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le soutenir et d'empêcher tout préjudice de l'atteindre. Quant au terme « at-tawqir » que nous retrouvons également dans ces versets, il est synonyme de vénération. D'ailleurs, c'est ce qu'a soutenu l'imam Ibn Jarir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Ces définitions-là abordées, penchons-nous à présent sur certaines formes de vénération et de respect qui étaient dues au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Il faut savoir que tout cela correspond à autant de branches éminentes de la foi. Et il est impératif et obligatoire que le croyant se pare de ces préceptes-là et de ces pratiques-là, afin d'observer le bon comportement vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le respecter et de le vénérer comme il se doit. Fait partie de ces pratiques-là, l'interdiction de prendre les devants et de se prononcer avant lui avant qu'il n'en ait donné l'autorisation. Allah Jalla wa Az a dit « Ya ayyuha alladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasoulih. » Ô vous qui avez la foi, ne prenez pas les devants face à Allah et son messager. » Surat al-Hujurat, verset numéro 1. Deuxièmement, l'interdiction du fait de lever la voix au-dessus de la voix du prophète alayhi salatu wassalam, et l'interdiction du fait de parler fort en sa présence, comme pourrait le faire un individu en présence d'un autre individu. Et cela relève de la perfection du comportement et de la complétude de la manière de se prononcer et de s'adresser au prophète alayhi salatu wassalam. Et ce, afin de répondre favorablement à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Hujurat, le verset numéro 2, « Ya ayyuha alladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd, an tahbata a'malukum, wa antum la tash'urun. » Ô vous qui avez la foi, ne levez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Et ne parlez pas fort en sa présence, comme vous le feriez entre vous, par crainte que vos œuvres ne s'invalident alors que vous ne vous en rendez pas compte. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a d'ailleurs fermement blâmé et condamné deux hommes qui avaient levé leur voix dans la mosquée prophétique. En effet, Sa'ib ibn Yazid a relaté les faits suivants. J'étais assis dans la mosquée lorsqu'un homme attira mon attention. J'ai alors regardé vers lui et je me suis rendu compte que c'était Omar ibn al-Khattab. Et il m'a dit, dirige-toi vers ces deux personnes-là et amène-les-moi. À ce moment-là, As-Sa'ib s'est présenté à eux et les a amenés à l'émir des croyants, radiyallahu anhu. Ce dernier leur a dit, qui êtes-vous ou d'où venez-vous? Ils répondirent, nous venons de Ta'if. Omar leur dit alors, si vous étiez d'ici, je vous aurais certes frappé et je vous aurais fait mal, car vous levez la voix dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu par là les blâmer et les condamner. Ce récit a d'ailleurs été recueilli par Al-Bukhari dans son authentique, dans le chapitre relatif au fait de lever la voix dans la mosquée. Citons également qu'Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé ceux qui interpellaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de derrière les demeures. Et il a décrit la majeure partie d'entre eux comme ne raisonnant pas. Il a orienté vers le comportement à adopter dans ce genre de circonstances avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a en effet dit, Jalla jalaluh, walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim, lakana khayran lahum. Or, s'ils avaient patienté jusqu'à ce que tu sortes en leur direction, cela aurait été meilleur pour eux. Surat al-Hujurat, verset numéro 5. Abordons à présent la vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Les membres de cette communauté se devaient de vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était vivant, comme nous l'avons vu. Et après son décès, alayhi salatu wa salam, cette vénération est toujours de mise. Et ce, par le cœur, la langue et les membres. Quant au fait de le vénérer avec le cœur, cela consiste à avoir la conviction qu'il est un serviteur et messager d'Allah Jalla Jalalu. Cela consiste également à faire prévaloir le fait de l'aimer sur le fait d'aimer nos propres personnes, nos propres enfants, nos propres familles et l'ensemble des gens. Cela relève également, cela correspond également au fait d'avoir la conviction ou d'être convaincu du fait qu'il occupe réellement cette place de choix qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyée. Et le fait de garder à l'esprit les nobles aspects de son comportement. Et tout ce qui, de manière générale, incite forcément au fait de l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, de le vénérer et de le respecter. Quant au fait de le vénérer par la langue, cela consiste au fait de faire ses éloges sans exagération ni laxisme. Mais nous devons plutôt faire ces éloges de la manière qui sied à la place qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyée. Et parmi les formes d'éloges que nous faisons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par nos langues, le fait d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le salue et fasse ses éloges. Allah Jalla Jalaluh a dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sourate Al-Ahzab, le verset numéro 56. Certes, Allah fait les éloges du prophète et ses anges invoquent en sa faveur. Ô vous qui avez la foi, invoquez pour lui et saluez-le. Et cela relève des plus éminentes formes d'adoration et des plus éminentes formes d'obéissance que nous pouvons vouer à Allah tabaraka wa ta'ala et par lesquelles nous pouvons chercher à nous rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de le vénérer avec les membres, cela consiste au fait de mettre en application sa charia et de le prendre pour modèle, de prendre pour exemple sa sunna, de mettre en application les ordres qu'il a donnés, de s'écarter de ce qu'il a interdit et réprouvé, et de s'en référer à lui dans l'ensemble de nos affaires, qu'on les considère petites ou grandes, qu'elles soient apparentes ou plus subtiles. Cela consiste également au fait d'agréer ses sentences et de s'y soumettre, et de ne ressentir aucune gêne face à elle. Cela consiste également dans le fait de chercher à ce que sa religion triomphe, alayhi salatu wassalam, et de chercher à la secourir et à transmettre le message qu'il a amené à l'attention de l'ensemble de l'humanité, d'appeler les gens à être fidèles à sa sunna et à suivre son chemin, sallallahu alayhi wa sallam, et à lui emboîter le pas, à le défendre, à défendre sa sunna, et à défendre ce qui porte justement cette sunna, que ce soit ses nobles compagnons, ou ceux qui, de manière plus générale, auront suivi leur voie par la suite. On peut également compter parmi les formes de vénération avec les membres le fait d'enseigner aux gens la sunna et avant cela de l'apprendre soi-même, de considérer comme alliés ceux qui en sont les adeptes et comme ennemis ceux qui s'y opposent. Relève également de cela le fait de se repentir du fait d'être négligent dans ces devoirs-là et le fait de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala de ce fait. L'imam Ibn al-Qayyim a dit dans At-Tabukiyya, l'obéissance à Allah et son messager, le fait de s'en référer à eux en matière de jugement, sont la cause du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quiconque analysera la situation du monde et les turpitudes qui s'y trouvent saura que la cause de tout mal sur terre a pour source la désobéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam et le délassement de son obéissance, tandis que tout bien qui y réside a pour origine l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même concernant les tourments de l'au-delà, ses affres et son châtiment, ils ne sont que les conséquences du fait de déroger à son obéissance. Ainsi, les mots d'ici-bas et de l'au-delà prennent leur origine dans le fait de contredire le messager sallallahu alayhi wa sallam et dans ce qui en découle. En effet, si les gens avaient obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, il n'y aurait aucun mal sur terre. Et de la même façon que cela est valable à grande échelle, concernant les différents maux et catastrophes, c'est également valable pour tout mal, douleur ou affliction que subit l'être humain dans sa propre personne. Car cela n'a pour cause que le fait qu'il ait dérogé au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela étant donné que son obéissance constitue la forteresse dans laquelle quiconque s'introduit est en sûreté, et l'antre où celui qui s'y réfugie est sauvé. On comprend donc que les mots de ce bas monde et du jour dernier sont issus de l'ignorance relative au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'infraction qui lui est faite. Et tout cela est une démonstration flagrante prouvant que le serviteur ne connaîtra ni le secours ni la félicité si ce n'est par l'assiduité à son apprentissage ainsi qu'à sa mise en pratique. Fin de citation. Et c'est sur ces paroles d'Ibn al-Qayyim que nous arrêterons aujourd'hui. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.